442, activation, dictation and comprehension. Listen and write what is missing. You will hear the passage twice. Je vais les romans d'amour. Bon, comme je suis comme ça. Je mets les romans d'amour. Bon, comme je suis comme ça. Now listen to the passage once more and check what seems to be the best answer to the following question. You will need to guess. Question. Madame Jelin aime-t-elle les romans d'amour? J'aime les romans d'amour. Bon, comme je suis comme ça.